je n'y résistais pas. Yeah, yeah. Ouah, ouah, adieu, baby, cette fois-ci je crois bien que j'ai compris. Je n'oublierai jamais cette belle nuit. Et maintenant, garde.